Chapitre 3e. En annonçant son arrivée à Paris pour le 10 avril, le colonel Chamberlain avait calculé sur la traversée ordinaire des paquebots transatlantiques qui est de 9 ou 10 jours. Mais il avait compté sans les difficultés de la saison. En passant sur les bancs, le vapeur qu'il portait avait rencontré des glaces de ces grands icebergs détachés des banquises de Terre-Neuve qui, en arrivant dans les eaux tièdes du Gulf Stream, produisent d'épais brouillards. Il avait fallu ralentir la vitesse. Au lieu de 15 nœuds, se contenter de 10. Pendant 2 jours, le sifflet d'alarme avait fonctionné sans arrêt. La conséquence naturelle de cette mauvaise traversée avait été un retard dans l'arrivée. Le 12 avril, au matin, un voyageur qui était venu à pied, portant un sac en cuir à la main, était entré au bureau du grand hôtel et avait demandé qu'on le conduisît à l'appartement qui avait été retenu pour le colonel Chamberlain. C'était un homme d'une 30aine d'années, souple et dégagé dans sa démarche, de haute taille, aux épaules larges, aux reins vigoureux. Ce qu'on appelle un solide gaillard. Mais ce qui frappait surtout en lui, c'était sa tête pleine de force et en même temps de douceur. Un observateur correct dans ses goûts eût facilement trouvé à blâmer dans cette tête, originale à coup sûr, mais précisément par cette originalité, s'éloignant du comme il faut traditionnel, notamment la barbe, qui était trop longue, et les cheveux qui étaient mal taillés. La peau du visage eût pu être aussi justement critiquée, car elle était hâlée par le grand air, rougie par le soleil, et comme collée sur des pommettes dont la saillie était assurément trop prononcée. Cependant, Haki n'était pas esclave quand même du bon goût, et il ne fallait pas un si long examen pour se convaincre que celui qu'on avait devant soi n'était pas le premier venu, que c'était un homme, et mieux encore, un homme qui pouvait, lorsqu'il le voulait, plaire à tous. Si la barbe était longue, elle était soyeuse. Si la chevelure paraissait négligée, cela tenait à la finesse des cheveux qui, frisant naturellement, s'enroulaient en grosses boucles fauves, souvent mêlées les unes dans les autres. Mais ce qui ne pouvait pas être critiqué, ce qui n'avait pas besoin d'être expliqué, c'était une bouche fine, entre les lèvres de laquelle se montraient des dents d'une blancheur admirable. C'étaient des yeux animés de ce regard puissant qui, remuant les âmes, les échauffe ou les glace, en tout cas les domine. C'était un front ouvert, sur lequel se lisaient tous les nobles instincts. Il avait fait sa demande en français, d'une voix douce et polie. L'employé auquel il s'était adressé le regarda rapidement, et ne voyant en lui qu'un homme dont le vêtement était d'une coupe négligée, qui était venu à pied, portant lui-même sa valise, et qui par conséquent ne devait être qu'un mince personnage, ne se dérangea pas de sa besogne, mais se tournant vers un autre employé. « Conduisez monsieur à l'appartement du colonel Chamberlain, » dit-il. Le second employé, se modelant sur l'exemple du premier, qui sans doute était son supérieur, se mit en route, mais sans prendre la valise de celui qui l'accompagnait. On monta ainsi au premier étage. En entrant dans le salon dont on lui avait ouvert la porte, le voyageur jeta sa valise sur un fauteuil. Puis, allant tout droit aux fenêtres, il sortit sur le balcon et resta longtemps à regarder à droite et à gauche le mouvement du boulevard. « Très bien, » dit-il en revenant dans le salon. « C'est cela. »« Monsieur le colonel sera content ?» demanda l'employé. « Comment sera ? Mais il l'est. C'était cela que je voulais. La vue du boulevard, la vue de Paris, le reste importe peu. Monsieur serait donc le colonel lui-même ? Mais oui. » Mais alors je vais chercher monsieur l'inspecteur. Que monsieur le colonel me pardonne. Je ne pouvais pas savoir. Je fais mes excuses à monsieur le colonel. C'est bon. » Si l'employé, au lieu de vivre à Paris dans le respect de la richesse et la foi du pourboire, avait traversé l'Atlantique, il aurait été moins surpris du calme du colonel. N'étant jamais venu en Europe et ayant l'habitude des hôtels américains, où les gentlemen en sont souvent réduits à porter eux-mêmes leur malle et à cirer leurs bottes, le colonel n'avait même pas remarqué qu'on lui laissait la valise dans les mains et qu'on le traitait avec sans gêne. Bientôt, l'inspecteur parut, et plus adroitement que l'employé, il recommença les excuses de celui-ci. On avait attendu monsieur le colonel le 10, on l'avait attendu le 11, mais le 12, naturellement, on avait été moins attentif. Au reste, nous n'étions pas les seuls à attendre monsieur le colonel. Hier, il est venu plus de 10 personnes pour le voir. Comment cela ? Quelle personne ? Mon banquier est le seul que j'ai prévenu. « Oui, mais les journaux ont annoncé l'arrivée de monsieur le colonel. »« De quoi se mêlent les journaux ? Qui les a chargés de cela ?»« Je ne sais pas. mais en tout cas ils l'ont fait dans les meilleurs termes. Ils ont parlé des campagnes de monsieur le colonel, de sa fortune. Ah, voilà qui est ridicule. Et c'est sans doute la nouvelle de l'arrivée de monsieur le colonel, propagée par la voix des journaux, qu'a décidé les visites de ces personnes. Elle croyait monsieur le colonel à l'hôtel depuis le 10. Et le nom de ces personnes? Je vais remonter à monsieur le colonel les cartes et les lettres qui ont été laissées ou envoyées pour lui. Au bout de quelques minutes, on apporta au colonel une certaine quantité de lettres et de cartes. Resté seul, il était retourné sur le balcon et s'accoudant sur la rampe, il s'était mis de nouveau à regarder le mouvement du boulevard. Il revint alors dans le salon et d'un brusque mouvement de la main, étalant les lettres sur la table où elles avaient été posées, il examina d'un coup d'œil les adresses. Mais il ne reconnut pas l'écriture d'une seule. Il y en avait une dont les caractères étaient hésitants et mal formés. Une autre, au contraire, semblait un modèle de calligraphie. L'une, dont le papier exhalait un parfum pénétrant, était évidemment de la main d'une femme. Tandis que celle qui se trouvait à côté dans une grande enveloppe grise carrée était d'un commerçant ou d'un homme d'affaires. Les unes, portant timbre d'affranchissement, avaient été envoyées par la poste. Les autres, sans timbre, avaient été apportées directement à l'hôtel. « Que diable ces gens que je ne connais pas peuvent-ils me vouloir ?» se demanda le colonel. Et durant quelques instants, il promena une main distraite sur ses lettres, comme s'il ne savait par laquelle commencer. Puis souriant à demi, en même temps haussant les épaules, il prit celle qui était parfumée et l'ouvrit. Elle ne contenait que quelques lignes d'une écriture fine. « On a vu hier le colonel Chamberlain. S'il est un homme discret, comme on a de bonnes raisons pour le croire, on le prie de se trouver demain à 4 heures dans la serre des palmiers du jardin de l'exposition. S'il est disposé à écouter une confidence qui pour lui aura de l'intérêt, il devra porter à sa boutonnière le bouton d'une rose blanche. Alors on ira à lui sans crainte. Est-il nécessaire de dire qu'il devra être seul ?» Cette lecture achevée, il se mit à rire franchement. « Hier, dit-il, on m'a vu hier. Voilà une rencontre qui est singulièrement en avance. » Et dire que sans cela j'aurais peut-être fait la sottise de croire à cette confidence. Puis il passa à une autre, à celle dont l'adresse était informe. « C'est une femme qui vous écrit, monsieur le colonel, et en arrière de son mari, pour vous demander un secours. Cela est bien hardi à moi qu'il ne vous connaît point, mais voir souffrir ce qu'on aime donne tous les courages. Mon mari est un grand artiste qui est venu à Paris pour se faire connaître. Nous comptions sur des protections, elles nous ont manqué. Pas une seule porte ne s'est ouverte devant lui, et Dieu seul sait toutes celles où nous avons frappé depuis 6 mois, lui et moi. Aujourd'hui, nous sommes sans ressources. Tout ce que nous pouvions vendre est vendu, et il ne nous reste plus qu'à mourir, lui, mon enfant et moi. J'ai vu votre nom dans un morceau de vieux journal. L'inspiration m'est venue de m'adresser à vous. Ah, comme je voudrais trouver des paroles pour vous convaincre que je ne vous trompe pas. Mais quelles paroles ? Je ne suis qu'une pauvre femme dont la tête est égarée par la misère affreuse de ce qu'elle aime. Je ne puis même pas vous dire « Venez voir par vos yeux », car je ne pourrai jamais expliquer à mon mari que j'ai mendié en son nom. Voilà pourquoi je vous prie, si vous m'accordez quelque chose, de me l'adresser poste restante à Paris aux lettres A, B, X. J'ai encore une prière à vous faire. Si vous nous refusez le secours que je vous demande, nous n'aurons plus qu'à nous jeter tous les trois dans la Seine. Alors, en voyant le nom de mon mari dans les journaux, ne dites point à ceux qui le connaissent ce que je vous écris. Zélie, L. Le colonel recommença la lecture de cette lettre, puis la regardant, il réfléchit pendant assez longtemps. « Qui sait ? » dit-il enfin. Et, prenant une enveloppe dans son portefeuille, il y glissa 2 billets de banque. Mais en écrivant l'adresse poste restante, il secoua la tête à plusieurs reprises. Cependant, il ne reprit pas les billets. « Et quand je serai trompé, dit-il, ce n'est pas par un refus que je veux me rappeler mon arrivée à Paris. » Et il continua à ouvrir les autres lettres. La première qui lui tomba sous la main était d'un photographe, qui lui demandait d'avoir l'honneur de faire son portrait, pour le classer dans sa galerie des célébrités contemporaines. La seconde, d'un capitaliste, qui lui proposait une affaire qui devait rapporter 100 pour 1. « Si je m'adresse à vous, monsieur le colonel, c'est que vous êtes américain, et que l'esprit d'initiative a abandonné la vieille Europe pour aller vivifier la jeune Amérique. » Il y avait encore une demande de secours pour une bonne œuvre, puis une invitation à aller visiter de vieux tableaux de grands maîtres, Raphaël, Titien, Béronèse, Rembrandt, absolument authentiques, et qu'on pourrait avoir à bon prix en achetant la galerie entière. D'autres restaient encore à ouvrir, mais il les repoussa sur la table. « Assez comme cela, » dit-il. « Voilà un agréable début, et si cela continue ainsi, je m'amuserai bien à Paris. J'aime mieux le boulevard. » Il allait retourner sur son balcon lorsqu'on frappa à sa porte. Un domestique entra. « Monsieur le colonel veut-il recevoir ?»« Oh non, personne, » dit-il brusquement. « C'est qu'il y a un monsieur qui a remis sa carte et qui attend. Dites que j'arrive, que je suis fatigué, que je dors, ce que vous voudrez. » « C'est ce que j'ai dit. » Ce monsieur insistait, il voulait entrer quand même. « Alors donnez-moi cette carte. » Le colonel lut « Gaston de Pampérant. »« Gaston, faites entrer. » Et suivant le domestique qui sortait, il se dirigea vers la porte.